Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, rencontre au sommet le Yeti ou l'abominable homme des neiges. Elle en a des surnoms, cette créature, que certains affirment avoir vue. On l'appelle Migou également. Plusieurs noms donc, mais aussi plusieurs visages et plusieurs versions. Tantôt monstre qui enlève les enfants, tantôt paisible herbivore. Tous, tout de même, s'accordent sur certaines caractéristiques. Le Yeti est un énorme singe, velu, reconnaissable à son crâne pointu et à son odeur pestilentielle. Il vit dans l'Himalaya. Les grosses traces qu'il laisse dans la neige indiquent que c'est un bipède. Mais parmi ses particularités, la plus exceptionnelle est que quand on le cherche, on ne le trouve pas. Et pour cause, c'est un abominable mensonge, un fake news en cristaux, brillamment élaboré dans les années 50, à une époque où l'Europe se rue sur l'Himalaya, à la conquête de la beauté de l'inutile. Se joue alors une traque invraisemblable. Des expéditions venant des quatre coins du monde se bousculent dans la neige et le vent glacial à la recherche du Yeti, et la conquête de l'Everest prend une autre dimension. Une histoire qui prouve qu'hier comme aujourd'hui, on peut toujours compter sur des hordes de personnes crédules, prêtes à croire n'importe quelle histoire à dormir debout, pourvu qu'elle fasse rêver ou dormir. Notre invité aujourd'hui, Pierre Lagrange, sociologue, chercheur associé au laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture, enseignant à l'Université de Lille. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. D'abord, et pour ceux qui pensent que la vie est une BD, ce petit rappel. Quel est ce cri? Ça, Yeti. Le Yeti, l'abominable homme des neiges. Ta-ta-ta, c'est le vent qui fait ce bruit-là. Non, Sahib, pas vent, Yeti. Yeti très méchant, lui manger yeux et mains, homme par lui tuer. Nous retournez maintenant, Sahib. Non, Yeti ou pas Yeti, nous ne retournerons pas en arrière. J'ai un ami là-haut qui a besoin de moi. En janvier 1960, paraît le 20e album des aventures de Tintin. La tranche est rouge, et en couverture, chaudement habillé dans un paysage de montagne, Tintin et le capitaine Haddock regardent, stupéfaits, ce que leur montre un guide du bout de son piolet, d'énormes traces de pas dans la neige. Des empreintes autrement plus grandes que celles de Milou, le chien Tintin, qui s'approche, intrigué. 2 ans après Cocanstock, Hergé fait partir ses héros au Tibet sur les traces d'un monstre légendaire qu'on appelle le Yeti. Et comme pour chacun de ses albums, Hergé s'est documenté, bien sûr. Sur la culture tibétaine, il a lu Alexandra Davinel, la première femme européenne à être entrée dans Lhasa, la capitale, en 1925. Sur la montagne, il a lu les récits de Maurice Herzog, le vainqueur de la Lapurna, en 1950. Et sur le Yeti, il s'est renseigné auprès de l'un de ses amis, un certain Bernard Heuvelsmans, qui se trouve être le plus grand connaisseur au monde de cette bête fantastique. C'est que le Yeti, Bernard Heuvelsmans, y croit, comme il croit au monstre du Loch Ness, aux licornes et aux kraken. Et il les décrit scientifiquement, il se veut même l'inventeur d'une discipline qu'il a appelée la cryptozoologie, soit la science des animaux cachés. 5 ans plus tôt, en 1955, il publie un livre au titre intrigant sur la piste des bêtes ignorées, dont tout un chapitre est consacré au Yeti, et qu'il décrit en 1980 sur France Inter. Il marche souvent bipède, mais, et ceci prouve que ce n'est pas un homme mais un singe, lorsqu'il est très pressé, il court à quatre pattes. Parce qu'il y a en fait 3 types différents, semble-t-il, de primates inconnus dans le massif de l'Himalaya. Il y en a un tout petit, le Telma, le moyen, qui est le mité, mais il y en aurait un troisième, plus grand encore, mais qui est peut-être mythifié. Et le Yeti, en réalité, c'est le croque-mitaine du Népal. Lorsque le petit Népalais ne mange pas sa soupe, on lui dit, attention, on va faire venir le Yeti. Oui, d'accord. Celui qui est connu, enfin, le mité est de la taille d'un adolescent. Il mesure, disons, entre 1,50 m et 1,55 m. Cette description, vraiment très précise, Evelmans ne la sort pas de son chapeau. Non, tout cela provient d'investigations acharnées que des missions occidentales mènent dans cette région depuis plus de 100 ans. Septembre 51, glacier du Menlung, Népal, 5800 mètres d'altitude. Après 2 mois d'expédition, Eric Shipton a maigri. Il porte une longue barbe. Il a 44 ans, il est britannique et c'est un explorateur. Bien, mais que reste-t-il donc à explorer en 51? Y a-t-il encore un endroit sur Terre où l'homme n'a pas encore posé le pied? Tous les continents ont été découverts, et depuis longtemps. L'Amérique a touché le pôle Nord en 1909, la Norvège le pôle Sud en 1911, Lindbergh a traversé l'Atlantique en avion en 1927, la jungle amazonienne, la forêt du Congo, la taïga sibérienne, le désert du Sahara, l'Australie, la Patagonie, les Galapagos, le moindre minuscule rocher perdu au milieu des océans, tout a été découvert, exploré, cartographié et conquis. Tout, sauf 2 endroits. Le plus profond, le plus sombre, le plus proche du centre de la Terre, les abysses, et le plus élevé, le plus haut, le plus dépourvu d'oxygène, un sommet qui, du haut de ses 8848 mètres, a gagné le surnom de troisième pôle, l'Everest. Et si l'alpiniste Eric Shipton se trouve sur le glacier de Menlung en septembre 51, c'est qu'il a été envoyé par le Royaume-Uni pour enfin trouver une voie vers ce sommet. Car il y a 30 ans que les Britanniques se cassent les dents sur l'Everest. Et l'expédition de Shipton n'est rien de moins que la 12e des Britanniques pour venir à bout de ce sommet. Elle est composée de 6 alpinistes, dont un néo-zélandais du nom de Sir Edmund Hillary, bien sûr, qui gagnera sa célébrité quelques années plus tard. L'Everest est à la frontière du Népal et du Tibet. Le versant nord est tibétain, le sud népalais. Les 10 premières expéditions sont parties du Tibet, avec l'interdiction la plus stricte de planter ne serait-ce qu'un coup de piolet côté Népal. Le roi ne veut pas d'étrangers chez lui. Mais après des années de fermeture, le pays finit par ouvrir ses portes en 1951. Il est donc temps pour les alpinistes d'explorer l'Everest depuis le Népal, ce pays que personne ne connaît, dont les babacools du monde entier ne se sont pas encore emparés. Le toit du monde. Au-delà de ce formidable rideau de neige, c'est le Tibet, c'est la Chine. À ses pieds, le Népal. Ce royaume des neiges, recouvert aux 2/3 d'une épaisse couche éternelle. Avec ses glaciers innombrables où l'Asie entière s'abreuve, le Népal où l'Inde a situé l'Olympe de ses dieux, et où voilà un peu plus de 25 siècles naissait le Bouddha. C'est un endroit rempli de magie dans lequel entrent Shipton et ses compagnons. Un pays que les Occidentaux ne comprennent pas. Il faut suivre d'abord une longue route depuis l'Inde pour l'atteindre. Elle est parfaitement plate. Elle monte ensuite doucement dans la moiteur de la jungle, puis elle vous conduit au bout de sentiers défoncés par la mousson à 3500 mètres d'altitude sur la terre du peuple des Sherpas, dans un endroit qu'ils considèrent comme leur territoire sacré, la vallée de Khumbu. Voilà 12 siècles que le fondateur du bouddhisme tibétain, Guru Rinpoche, a pacifié les esprits démoniaques de cette vallée. Et voilà 4 siècles que les Sherpas habitent le long de ces rivières glaciaires, au pied des sommets. Ils font pousser des céréales et élèvent des yaks. Pour eux, au Khumbu, chaque montagne est une divinité. Alors, quand on grimpe à sommet, on grimpe littéralement sur un dieu ou une déesse. L'Everest ne s'appelle pas seulement Everest, d'ailleurs. Ce sont les Anglais qui l'ont ainsi nommé, non. Son vrai nom, c'est Chimbolunga. C'est la déesse de la prospérité et de la richesse. Devant les ponts, sur les rives des lacs sacrés, dans les monastères, on brûle du genévrier pour satisfaire les dieux. Les drapeaux de prière diffusent les mantras partout devant les portes. Et à flanc de montagne sont construites des petites bâtisses en pierre, des shortens, qui servent d'abri aux esprits des morts. Au-dessus, dans le ciel, les vautours font des ronds et les Sherpas savent qu'en chacun d'entre eux, un moine s'est réincarné. Parmi ces croyances, il y en a une qui sonne un peu plus vraie aux oreilles de Shipton et de ses amis. Celle-ci, c'est le soir, autour du feu, en partageant un verre de chang, la bière tibétaine, que les Sherpas la racontent. Voyez-vous, la montagne n'est pas habitée que par des hommes, non. il y a là, cachées, d'étranges créatures. Des bêtes qui enlèvent les femmes et les enfants et qui tuent les yaks d'un seul coup de poing. Ce sont d'énormes singes couverts de poils et dont on entend parfois le cri effrayant dans la nuit. Ce sont les yétis. Les sherpas qui accompagnent Chimton n'en ont jamais vu. Mais un ami, une sœur, un vieil oncle en a vu un jour, forcément. Avant d'être atteint de ce qu'on appelle la malédiction du yéti, un mal dont seul un exorcisme peut délivrer celui ou celle qui en souffre. C'est parmi ce syncrétisme entre folklore et tradition que Chimton et ses camarades s'enfoncent dans le Népal. Ils sont venus trouver un chemin jusqu'à l'Everest, et ils le trouvent. Ils ne peuvent pas tenter l'ascension, c'était une mission de reconnaissance, mais c'est une réussite. Alors, sur la route du retour, ils s'autorisent quelques explorations dans les vallées voisines. Et à l'ouest, sur le glacier de Menlung, Chimton, le docteur Michael Ward et le Sherpa San Tenzing trouvent dans la neige d'étranges empreintes. Eric Chimton décrit. Les traces étaient généralement déformées et fondues. Un peu plus longues et beaucoup plus larges que celles laissées par nos grosses bottes de montagne. Mais en descendant le glacier, la neige était moins profonde et les empreintes plus précises. Nous les avons suivies jusqu'à des endroits très proches de crevasses où il n'y avait que 2 ou 3 cm de neige. Là, nous avons trouvé des empreintes si nettes qu'on aurait dit qu'elles avaient été moulées. Et nous en avons conclu que les créatures, à l'évidence il y en avait 2, n'étaient passées que quelques heures plus tôt. Elles descendaient le glacier. Les empreintes faisaient 30 cm de long et environ 15 de large. Il y avait un gros orteil rond, très excentré. L'orteil du milieu en était assez éloigné et 3 autres petits orteils étaient collés ensemble. Il y avait plusieurs endroits où les créatures avaient sauté par-dessus de petites crevasses et où on pouvait clairement distinguer qu'ils avaient planté leurs orteils dans la neige de l'autre côté pour empêcher leurs pieds de glisser. Chimton et le Dr. Ward sont troublés. Pour San Tenzing, en revanche, pas de doute. Ses empreintes sont bien celles de Yeti. Alors, Chimton prend son appareil photo, s'approche des traces les plus nettes, pose son violet à côté pour donner une idée de la taille. Il immortalise cette empreinte bizarre, sans laquelle jamais le Yeti n'aurait eu par la suite le succès qu'il a eu. Parce que ce ne sont ni les clichés époustouflants de la face sud de l'Everest, ni ceux de la gigantesque cascade de glace qui mène à son sommet que publient les journaux et les magazines du monde entier au retour de l'expédition de Chimton. Non, c'est la photo de l'empreinte du Yeti, le trésor de guerre de cette expédition. Un gros pied dans la neige, moitié humain, moitié monstrueux. À la télé en 62, l'alpiniste Gerald Russell revient sur l'historique de la recherche du Yeti. Depuis 1900 environ, nous avons des indications au monde occidental d'un animal rare qui habite l'Himalaya, un grand, un moyen et un petit. Le grand est très grand. Il est si grand que cela m'embarrasserait de vous dire sa grandeur. Mais le second est beaucoup plus petit et le dernier fait 1 mètre. Je n'ai vu que les traces du second et du troisième. Et des excréments aussi. Et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. À ma première expédition, j'ai cru qu'il y avait 2000 environ, et la seconde, maintenant, je crois qu'il y en a dans les 4000. Le premier témoignage date de 1832, bien avant l'expédition de Chimton. Un naturaliste anglais avait rapporté le récit de chasseurs népalais effrayés par leur rencontre avec ce qu'ils appelaient un homme sauvage. 60 ans plus tard, en 1889, un soldat britannique a lui aussi observé d'étranges empreintes. C'est censé, avait-il écrit, être la trace d'hommes sauvages poilus. Tous les Tibétains y croient. Mais ils vivent dans de telles superstitions qu'ils trouvent toujours des explications surnaturelles aux événements inhabituels. De nombreuses expéditions au Tibet et au Népal ont vu d'étranges empreintes, et toutes entendent parler du Yéti dans les mêmes circonstances. Attention, disent les Sherpas à leurs enfants. Si tu n'es pas sage, le Yeti viendra te chercher. À la différence près que les adultes aussi croient cette figure de croque-mitaine. Les alpinistes n'y voient qu'une gentille légende. Inde britannique, novembre 1921. Henry Newman a fait un long voyage depuis Calcutta pour rejoindre la ville de Darjeeling, à la frontière népalaise. Il est journaliste, et c'est lui qui, pour un grand quotidien britannique en Inde, couvre le retour de la dernière mission de reconnaissance de l'Everest. Or, Newman a eu vent de certaines histoires. Alors, curieux, il demande aux alpinistes « Par hasard, n'avez-vous pas vu des empreintes du Yeti ?» Il se trouve que, comme lors des précédentes expéditions, des traces non identifiées ont été aperçues à 6000 mètres d'altitude. Sûrement des empreintes de loup, disent les Britanniques, qui n'y prêtent pas plus attention. Mais ce n'est pas ce que Newman voulait entendre. Alors il se tourne vers les Sherpas, qui, eux, lui donnent une réponse plus intéressante. Ce ne sont pas des empreintes de loup, lui disent les porteurs. Ce sont les empreintes du Metokangmi. Ah, Metokangmi, demande Newman, interpellé. Oui, Kangmi veut dire « l'homme des neiges », répond les Sherpas. Et Metto veut dire « sale ». Satisfait, Newman utilisera dans son article une traduction qui lui plaît davantage, et c'est lui qui trouve un nouveau surnom à cette créature, l'abominable homme des neiges. Up north, where the north wind blows, that's where the old abominable snowman goes. He wandered back and forth. He loved someone by the North Pole. Loves a girl with a frozen soul. He loves a girl in a glacier lot. He loves a girl and she is shocked. De toutes les bêtes ignorées, l'homme des neiges est en fait un de ceux qui est le moins ignoré, qu'on connaît le mieux, parce qu'on possède sur lui de nombreux indices qui se confirment les uns les autres. Non seulement il y a les légendes indigènes fantastiques, mais il y a des témoignages individuels également indigènes, mais aussi de voyageurs britanniques ou indiens. Il y a les fameuses traces de pas, les pistes qui ont été relevées par énormément d'expéditions, pratiquement toutes celles qui ont pénétré dans l'Himalaya. Et il y a les fameux scalps qu'on a trouvés dans certains monastères du Népal, à Pangbochi et à Kumyung. On y reviendra sur ces scalps. Après l'invention de ce surnom d'abominable homme des neiges, vous remarquez que ce soi-disant animal est un homme, enfin bon, et que Bernard Heuvelmans reprend dans l'extrait que vous venez d'entendre, plus aucune expédition ne manque de rapporter des preuves de l'existence de la créature. Oui, on en avait un au moins en 1925 qui mangeait des rhododendrons sur un glacier. Puis des empreintes la même année, avant qu'on ne croise un autre, 5 ans plus tard, qui lui se promenait dans les sources du Gange, avant qu'en 1936, Eric Shimpton découvre des traces grosses comme celles d'un éléphant, précise-t-il. Alors, s'il restait caché dans l'Himalaya un animal que l'homme n'a pas encore découvert. Après tout, l'ours d'Alaska n'a été observé qu'en 1899, alors qu'il était énorme. On n'a capturé un panda du Tibet pour la première fois qu'en 1937. Et que dire du gorille que les récits des premiers explorateurs faisaient passer pour un monstre qui enlevait les enfants. Bref, si le Yeti était un primate inconnu, et si c'était même le fameux chêne ou manquant, le trait d'union entre le singe et l'homme que les savants cherchent depuis Darwin. La légende prend alors une tournure scientifique. Bernard Heuvelmans en rosit de plaisir. Dans ce vaste monde, il reste encore tellement de contrées qui ne sont peu connues. Tout le centre de Bornéo, tout le centre de la Nouvelle-Guinée ne sont pas connus. La vaste taïga sibérienne, toute l'Amazonie, les régions limitrophes du Venezuela, de la Colombie, le Mato Grosso, en Afrique, dans la grande forêt tropicale où on a trouvé tellement d'animaux qui étaient ignorés encore au siècle dernier. Dans le vaste monde, il y a encore de la place pour beaucoup de découvertes zoologiques de grand style sensationnel. Heuvelmans trouve alors un nom latin au Yeti. Ça fait plus crédible, plus scientifique. Dinanthropoïde nivalis, autrement dit, le terrible anthropoïde des neiges. Mais si certains savants se passionnent pour la bête, d'autres se posent des questions. Parmi eux, le biologiste nazi Ernst Schaefer. En mission au Népal en 36, cet homme arrive à une toute autre conclusion. Après avoir suivi des supposées traces de Yeti, il parvient à une grotte de laquelle il voit sortir un ours. Oui, un ours, tout ce qu'il y a de plus commun. Le Yeti, conclut Schaefer, est donc un mensonge. Puis il décrit à son retour une drôle de scène. Il prétend que deux alpinistes sont venus le supplier de garder ce secret à tout prix. Sinon, dit Schaefer en les citant, la presse ne nous donnera pas d'argent pour notre prochaine expédition pour l'Everest. Et il se trouve que l'un de ces deux alpinistes est Eric Shimpton. Le même Shimpton qui, avant Schaefer, avait prétendu avoir vu des empreintes grosses comme celles d'un éléphant. Le même Shimpton qui, quelques années plus tard, photographierait une empreinte de Yeti. Alors, si Shimpton était un menteur, et si le Yeti n'était qu'une légende lucrative? Les missions dans l'Himalaya coûtent affreusement cher. C'est un long voyage, d'abord vers l'Inde, puis encore de longues semaines éprouvantes jusqu'au Tibet ou au Népal, et encore des semaines, voire des mois en montagne. Et puis il faut payer les alpinistes et les dizaines de sherpas qui portent leurs affaires. Il faut acheter les vêtements les plus chauds, de la nourriture pour 3 mois, des bonbonnes d'oxygène. C'est un journal, le London Times, qui finance en grande partie les expéditions britanniques. Or, elles commencent à se ressembler tristement. Toujours des échecs, voire des catastrophes. Alors au bout de 10 tentatives, le London Times se lasse. Mais avec l'abominable homme des neiges, dans les années 50, ce n'est plus du tout la même affaire, parce que le Yeti devient une star. Et même au cinéma. Une petite équipe d'hommes dans la quête périlleuse de l'homme sauvage du Tibet. L'abominable homme des neiges de l'Himalaya. Vous en avez entendu parler. Le monstre le plus effrayant du monde que personne n'a jamais vu. À l'exception de Dieu, il arrive au cinéma. L'abominable homme des neiges vous met au défi. Nous vous mettons au défi de voir l'abominable homme des neiges de l'Himalaya. La course à l'Everest reprend après la guerre, dans les années 50, avec la légende de l'abominable homme des neiges en toile de fond. Et voilà les Suisses qui jouent les troubles-fêtes et qui, grâce au chemin trouvé par Simpson et Hillary en 51, s'approchent dangereusement du sommet. Mais le commandant de l'expédition, lui, en a marre de ces histoires de Yeti. Et il écrit Le moment est venu de nous attaquer au problème et de ne plus essayer de justifier une légende à tout prix. Mais pour la presse, une expédition zoologique aura certainement moins d'intérêt que la traque d'une créature légendaire. Et effectivement, le London Times fait savoir son regain d'intérêt et signe avec les Britanniques l'exclusivité des droits sur le récit de l'expédition suivante. Ce qui permet de monter la plus grande jamais lancée à la conquête de l'Everest un an après les Suisses en 1953. Et cette fois, c'est la bonne. Le plus haut sommet du monde, l'Everest, est vaincu. Les habitants de Katmandou, capitale du Népal, ont fait un accueil triomphal à l'équipe victorieuse. Le Sherpa Tenzing, leur compatriote, son camarade de cordée, le néo-zélandais Hillary, et les autres membres de l'expédition que commandait le colonel Hunt. Les premiers dans l'histoire, les Anglais ont vaincu l'Everest. Le monde entier rend hommage à la persévérance du chef et à l'énergie de ses hommes. Et revoici Hillary, le néo-zélandais qui avait accompagné Shimpton en 1951, devient le premier homme à gravir l'Everest avec le Sherpa Tenzing Norgay. « Eh ben, on se l'est fait, ce bâtard », dit-il en redescendant au colonel Hunt, qui dirige l'expédition. Cet homme, qui en rentrant couvert de gloire en Europe, s'entend tout de même poser des questions sur le Yeti, et qui répond « Je suis désolé de vous décevoir, mais nous n'avons pas vu de traces du tout. Je pense que nous étions trop nombreux au goût des abominables hommes des neiges. » L'expédition qui a vaincu l'Everest est donc la première depuis longtemps à ne pas avoir vu de traces de Yeti. Comme si, une fois l'Everest conquis, la créature mystérieuse avait perdu de son utilité. Mais si la légende s'arrête pour les alpinistes, la presse, elle, n'entend pas abandonner cette histoire formidable. Et un autre journal, le Daily Mail, se lance sur les traces de qui vous savez. Daily Mail, 5 décembre 1953. Ça ne fait plus de doute, le peuple britannique est fasciné par l'aventure. Depuis que le Daily Mail a annoncé jeudi qu'il envoyait une expédition dans l'Himalaya pour tenter de résoudre une bonne fois pour toutes le mystère de l'abominable homme des neiges, nous croulons sous les lettres dont certaines demandent à participer à l'expédition. Hélas, il n'est pas possible d'envoyer au Népal des légions de fervents jeunes britanniques. Mais il semble que plus nous devenons citadins et plus nous nous entassons sur notre île, plus l'appel du monde sauvage est irrésistible. L'expédition du Daily Mail est une équipe équilibrée et expérimentée. Et nous espérons qu'elle parviendra à surmonter les difficultés de communication pour que les lecteurs du Daily Mail reçoivent régulièrement des rapports et des photographies de leurs activités. Le Daily Mail tira plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et compte parmi ses correspondants un homme du nom de Ralph Izard. Pendant la guerre, il était officier du renseignement naval sous les ordres d'un commandant, un certain Ian Fleming. Son audace lui vaut d'être l'un des modèles dont l'écrivain se servira ensuite pour son James Bond. Et voilà ce drôle d'aventurier lancé à la tête d'une expédition financée par le Daily Mail et dont le but unique est de trouver l'abominable homme des neiges. Alors frénétiquement, pendant près de 4 mois, l'expédition fouille la vallée de Khumbu. Sur les glaciers, au fond des grottes, sur les pentes de l'Everest et des autres sommets. Alors quoi? Quelques poils, des empreintes inintéressantes, des témoignages toujours aussi vagues. L'équipe du Daily Mail ne trouve pas grand-chose. À l'exception tout de même d'une découverte remarquable. À 4000 mètres d'altitude, le long de la rivière Imjakola, qui prend sa source sur l'Everest, est niché un petit village du nom de Pangbosch. Sur les hauteurs de ce hameau se trouve un monastère minuscule qui fait face aux 6782 mètres du mont Kangtega. C'est un bâtiment carré en pierre, peint en rouge, avec un toit ondulé duquel pendent les drapeaux de prière. Et à l'intérieur de ce monastère, enfermé dans une étagère, ou sur une étagère, elle-même gardée par un sherpa, il y a un scalp de yéti. Oui, le cuir chevelu recouvert de poils d'un yéti. Que le biologiste de l'expédition décrit de la façon suivante. Il s'agit de la peau du haut du crâne d'un animal coupé au-dessus des oreilles. Il a la forme d'un casque, il reste des cheveux roux qui virent parfois brun foncé. Et ce qui est extraordinaire, c'est la crête qui commence à la base du front, qui passe par le sommet du crâne et qui va jusqu'à l'arrière de la tête. Ce scalp est présenté à la télé française en 1958. Ce scalp présumé du Yeti va peut-être détruire la légende. Vous vous souvenez qu'au mois d'août, Sir Edmond Hillary, avant son départ pour le Népal, nous avait dit « Moi, je pars à la chasse au Yeti, j'emporte des fusils à seringue hypodermique pour l'endormir si je le trouve. » Sir Edmond Hillary est de passage à Paris pour faire examiner par des scientifiques son scalp. Il n'a pas trouvé de Yeti, et je crois qu'il faut lui demander s'il y croit toujours à ce Yeti. Well, I don't think I've ever really expressed my feelings, my belief that the Yeti did exist at all. Sir Edmond précise qu'en fait, il n'a jamais prétendu d'une manière formelle que le Yeti existait. Mais alors, pourquoi est-il allé à la chasse au Yeti s'il n'y croyait pas? Well, I think I'm like most people. I'd like to examine the evidence and try and find out whether or not the Yeti really does exist. Oui, Sir Edmond me dit que comme tous les gens, il veut aller sur place et voir si vraiment il existe ou non. Eh oui, vous aurez noté que ce n'est pas l'expédition du Daily Mail qui rapporte un scalp en Europe, mais Hillary, l'homme qui a vaincu le reste. Car lui aussi est retourné au Kumbu. Parce que depuis qu'il est revenu, en l'espace de 5 ans, le monde entier est parti à la recherche du Yeti. Et il n'y a pas eu que le Daily Mail. Un milliardaire texan y est parti également 3 fois. Il a même demandé à la centaine de membres de son expédition de se déguiser en Sherpa pour ne pas effrayer la bête. Et comme l'Amérique et la Chine ne veulent pas être en reste, elles envoient des expéditions concurrentes. Ainsi, pendant 9 mois, c'est l'armée russe après qui visite l'Himalaya et prétend voir le Yeti 2 fois. Les Chinois, eux, font encore mieux. Ils en auraient capturé un en 1947. Le Yeti prend des proportions ahurissantes et Hillary estime qu'il est de son devoir de faire arrêter ce cirque. Lui s'est pris passion pour les Sherpas et ne veut plus que des expéditions farfelues dérangent leur territoire sacré. Alors, de retour dans l'Himalaya, il convainc les moines de lui prêter le scalp parce qu'il a une idée derrière la tête, si je puis dire. En échange, il paye pour la rénovation du monastère et il emmène en Europe le gardien du reliquaire, le Sherpa Chumbi, qui parle à la télé française en 58 donc. Monsieur Desmond Doyle, vous qui êtes le journaliste de l'expédition et qui êtes seul à parler le tibétain, pourriez-vous demander au Sherpa Chumbi de nous imiter le cri du Yeti? Sable chance de timi yeti go asli ali gorn sak sak sak gorn sak sak sak gorn quoi quoi quoi quoi quoi. Avec un cri pareil, difficile de comprendre comment, parmi les dizaines d'expéditions, aucune n'ait jamais entendu le Yeti. En attendant, le scalp fait sensation. Il est examiné par des scientifiques en Angleterre et aux États-Unis. Bernard Revelmans l'observe de près, bien sûr, prélève des échantillons, étudie l'inclinaison des poils et parvient à la conclusion qu'il s'agit d'un vrai scalp. Oui, qui revient à Paris après 2 semaines d'expertise. Il y a une quinzaine de jours, Monsieur Bernard Revelmans était à côté de moi, aux côtés de Sir Edmond Hillary, qui nous ramenait un soi-disant scalp de Yeti. Et M. Velmans vient aujourd'hui me dire, nous dire, ce scalp était un faux. M. Velmans, comment vous êtes-vous rendu compte que ce scalp était un faux après nous avoir dit qu'il était vrai? Parce qu'on m'a démontré qu'il était possible de fabriquer ce scalp à partir de la peau du cou d'un autre animal. Le scalp, plus vrai que nature, était faux. C'était de la peau de chèvre. Nous sommes en 1958, et après une décennie de recherches, tout ce qui était collecté est soit inintéressant, soit légende, soit mensonge. Les empreintes? Il n'y a qu'une photo, et son auteur n'est pas digne de confiance. Les récits des Sherpas? Des rumeurs, des mythes. Les preuves scientifiques? Des contrefaçons. Et si Hillary est retourné au Kumbu, c'est bien pour mettre un terme à la légende du Yeti dont il finit par réfuter totalement l'existence. Il ne fait aucun doute que les Sherpas croient au Yeti. Mais ils y croient aussi certainement qu'ils croient que leur dieu vive confortablement au sommet de l'Everest. Il est impossible de distinguer le Yeti du surnaturel. Pour un Sherpa, le don d'invisibilité du Yeti est une de ses caractéristiques, au même titre que sa forme et sa taille. Un tiers animal, un tiers humain, un tiers démon. Il croit au Yeti aussi sereinement qu'on croit au Père Noël quand on est enfant. Cela nous a plu de croire au Yeti. Mais, devant l'effondrement des preuves de son existence, les membres de mon expédition n'ont finalement pas pu le considérer autrement que comme une fascinante légende. Une légende née de l'observation d'animaux rares et terrifiants, forgés par la superstition et joyeusement entretenus par les expéditions occidentales. Mais conteste Evelmance, ce n'est pas parce qu'on fabrique des peaux de léopard en nylon que le léopard est un mythe. Donc, malgré l'effort d'Hilary, la légende a perturbé certains esprits. Et jamais, depuis la photo de Shimpton, l'Himalaya n'a cessé d'être sillonné par des explorateurs désespérément à la recherche de l'abominable homme des neiges, persuadé que cette région du monde est trop magique pour ne pas cacher de mystère. Tout comme le dit un moine à Tintin depuis, dans Tintin au Tibet, « Sachez, noble étranger, qu'ici beaucoup de choses paraissent incroyables aux Occidentaux. » Mais j'entends quelque chose, là. Surnommé l'abominable homme des neiges, dont nous allons parler avec un homme qui est tout sauf abominable. Merci d'être là. Merci. Pierre Lagrange, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des sciences, chercheur associé au laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture, enseignant à l'université de Lille. Alors vous travaillez sur des sujets aussi divers que les ovnis, sur le triangle des Bermudes, sur l'Atlantide, sur les sciences occultes et sur les animaux légendaires dont le Yéti. Tout ce qui n'est pas expliqué vous intéresse ? Mais c'est-à-dire que tout ce qui suscite, on va dire, des controverses et qui remet en question la manière dont on établit la frontière entre le réel et l'irréel m'intéresse parce que c'est un des problèmes centraux de notre société, je dirais. Surtout aujourd'hui avec la crise écologique où on a complètement revu la manière de regarder le cosmos, on va dire. On y reviendra d'ailleurs. Et l'animal, mais est-ce que ça veut dire que les sociétés rationnelles, occidentales, ont besoin d'irrationnel ? Ben, c'est surtout que le problème de la frontière entre le rationnel et l'irrationnel est une frontière très complexe à tracer. On l'a tracée très rapidement depuis les Lumières, on va dire, avec le rationnel, les Lumières et le rationalisme occidental. Et plus en fait on explore les cosmogonies des autres cultures ou du passé, de notre passé à nous, plus on se rend compte qu'en fait il y a des tas de manières de concevoir le rapport à ce qu'on appelle le réel. Et notamment le Yéti est un exemple extraordinaire de cette difficulté de faire passer tout un tas d'êtres qui existent dans d'autres cultures, dans la nôtre. Mmh. Et quand on a constitué les classifications botaniques ou de la zoologie, on a comme ça plein d'animaux qui étaient décrits par des cultures locales, y compris en Europe. Je veux dire, les paysans européens, face aux premiers naturalistes, décrivaient des tas d'animaux qui ont été épurés ensuite des classifications, parce que chaque localement, il y avait un nom pour un animal, mais ça correspondait au nom d'un autre animal ailleurs, ou choses comme ça. Mmh. Donc il a fallu, ça a été tout un travail de négociation pour construire nos catégories scientifiques. Et il y a plein de créatures qui ont fait les frais de ça, parce que dans des tas de cultures, la frontière que nous faisons entre la zoologie et la théologie, par exemple, ou le folklore, n'existe pas. Mmh. Ou elle se composée autrement. Vous avez des êtres qui sont capables de métamorphose. En Amazonie, les dauphins roses se métamorphosent en humains. Nous, dans notre zoologie, c'est un peu difficile à caser, ce genre de choses. Et pourquoi ces figures-là sont des figures souvent agressives? La bête du Gévaudan, ça fait très peur. Le Yeti, on le dit pas sympa. Les Martiens, avant que les esprits un peu plus éclairés nous les montrent, s'ils existent, pacifiques. Pourquoi c'est toujours cette figure inquiétante? Dans le folklore, il y a comme ça des figures inquiétantes, c'est traditionnel, ça permet de fixer des interdits, on va dire des limites, justement, entre la frontière entre l'humain et l'humain permet comme ça de fixer un peu ce qu'on doit faire et pas faire. Et souvent, il y a un contenu moral. On le voit bien dans nos folklores, les récits servaient à une époque où il y avait peu d'images, où la culture était uniquement orale, ces récits permettaient également de faire passer des règles de vie en communauté. Ouais, donc c'est un mélange en fait, c'est très complexe. C'est pour ça que c'est très difficile de mettre ces créatures dans la réalité ou dans l'irréalité, parce que il y a des tas de manières de s'y prendre pour construire les rapports au réel. Et on découvre aujourd'hui que le nôtre est peut-être pas le meilleur, parce que les peuples qu'on a rejetés dans la croyance et dans la pensée magique ont quand même réussi à préserver ce qu'on appelle la nature beaucoup mieux que nous. Ouais. Donc on a peut-être des choses à apprendre derrière cette espèce de rejet un peu facile qu'on a fait de toutes ces créatures. Il y a peut-être des choses à en tirer, et c'est cet aspect-là qui m'intéresse surtout. Oui, c'est l'aspect écologique, en fait. Hein. Voilà, tout à fait. Est-ce que, question plus personnelle, est-ce qu'un monde purement rationnel est un monde désirable? On voit bien aujourd'hui ce que ça donne. La science qui est pratiquée par Total ou Monsanto, c'est de la très bonne science, mais ça dévaste la planète. Donc, je pense qu'il faut recomposer. C'est-à-dire que déjà, on a un premier problème, c'est que on a divisé le monde entre les sociétés humaines et la nature. Et puis longtemps, certaines sociétés humaines, on les avait rejetées du côté de la nature. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de nature, c'est une invention du XVIe siècle. La nature, c'est un ensemble de cultures. Ce sont des sociétés de non-humains, les sociétés animales notamment, les sociétés de plantes. Et on est en train de découvrir tout ça et la richesse extraordinaire de ces cultures non-humaines, alors qu'on est en train de les décimer. Et là, il y a peut-être un problème. Bon, mais mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est la fameuse prise de conscience. En tous les cas, il faut se ressaisir et regarder la comète qui nous arrive dans la figure, on va dire. Oui. Alors, tout de même, les traces de pas non identifiées. Vous m'avez montré des photos de Chilton, sur vos livres, de vieux livres. C'est des livres de Volmans et puis de John Napier, un primatologue américain. Alors, des traces de pas, donc, qui nous renvoient quelque chose d'inconnu. Alors là, pour le coup, d'un point de vue rationnel, comment analyser ces traces de pas, qui ressemblent pas à des traces d'hommes, à peine à des traces de singes, grosses comme des traces d'éléphants, mais pas rondes comme, bref. Voilà. On voit pas, c'est quoi? Mais le problème, c'est des traces dans la neige, c'est pas comme les traces dans les boues minéralisées du Kenya ou d'Afrique, où on trouve les traces des premiers hominidés, des australopithèques et autres. C'est-à-dire que c'est des traces que la neige, ça fond, donc ça dépend à quel moment on arrive. Donc ça, c'est très, très complexe. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de voir comment on essaye, des zoologues et des cryptozoologues, notamment avec Evelmans, essayent de prendre avec générosité ce que d'autres cultures apportent, mais vont peut-être un peu vite en besogne en le traduisant en être naturaliste trop vite. Ouais, c'est-à-dire, on a perdu des choses en chemin. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Bernard Revelmans, qui était un homme extrêmement érudit. Enfin, j'ai tous ses livres, c'est des sortes de bibles pour quand on s'intéresse à ces sujets. Mais c'est vrai qu'il avait le même biais que nous tous. C'était un rationaliste. Ouais, c'est pas un amateur d'irrationnel, c'est quelqu'un l'approche scientifique. Qui cherche l'animal, la biologie derrière le récit. Donc la cryptozoologie, c'est ça, est une science sérieuse. C'est une science sérieuse parce que de temps en temps ça marche, et dans plein de cas c'est plus difficile parce que, encore une fois, la communication entre les cultures est difficile. Je ne sais pas si Yeti a des grandes oreilles, mais M, lui, chante les grandes oreilles. Avec mes grandes oreilles, moi j'entends les abeilles et tous les appareils. La vie fait des merveilles, de Maubeuge à Marseille. Tous y sont des merveilles, et de la tour Eiffel. J'entends même le soleil avec mes grandes oreilles. Sommeil, j'ai bien lu tout Corneille. Je dors pas, mais j'essaye. Pas besoin de réveil avec mes grandes oreilles et mon petit orteil. Je peux pépégay. Auriez-vous un conseil avec mes grandes oreilles? Lagrange, étrange surnom quand même, l'abominable. Alors, l'abominable, on a compris, hein, on a vu les repères, on expliquait ça, il faut que ce soit inquiétant. Homme des neiges, dans Homme des neiges, il y a homme, alors que tout, c'est un animal présumé, c'est quoi, c'est une confusion, c'est un lapsus, c'est quoi? Snowman, ça veut dire aussi bonhomme de neige. Ah oui. Donc c'est compliqué, en fait, la traduction. C'est qu'on a perdu une partie de la subtilité, de la subtilité ou de la grossièreté de la traduction, je ne sais pas comment il faut dire, quand ça passe en français. Mais le problème de la frontière, c'est ce genre de créature, c'est toujours le problème de la frontière entre l'homme et l'animal. Et encore une fois, nous avons construit cette frontière, on l'a fixée. Et plus en fait, on étudie, que ce soit la paléoanthropologie ou la zoologie ou nos cousins primates ou autres, plus on se rend compte que cette frontière est très complexe. On a longtemps cru que l'homme avait inventé les outils, la société, et en fait, on découvre chez nos cousins babouins, évidemment les bonobos, les gorilles, les orang-outans, que la société existe déjà et jusque chez les fourmis. Donc toute cette frontière qu'on a longtemps tracée, en fait, elle part en petits morceaux. Plus on étudie la nature, plus elle part en morceaux. Donc, le Yeti peut avoir de l'intérêt pour ça, parce qu'il montre que cette frontière, elle est mouvante sans cesse. Ça peut être un élément de lutte qui serait utile contre ce qu'on appelle le spécisme, notamment? Alors, oui, sans doute, oui. Alors, en même temps, c'est compliqué parce que les hommes sauvages, on a un rapport très ambigu aux hommes sauvages parce que on a, notre science, en fait, a consisté à éliminer cette idée d'homme sauvage. Mmh. Et en même temps, on les a réintroduits en accusant une partie de nos contemporains d'être irrationnels. Donc, c'est un rapport très ambigu. Mais on voit bien avec Néandertal, pendant très longtemps, on a considéré que Néandertal, c'était une brute épaisse. Ensuite, on l'a humanisé. Mmh. Yves Coppens, dans les années 80 et 90, nous racontait comment, avec un chapeau un par-dessus, il passerait inaperçu. Et maintenant, il faut redécouvrir ces spécificités, parce que c'est pas un sapiens sapiens. Enfin, on s'est accordé gentiment le terme de sapiens sapiens, mais bon, il n'est pas exactement comme nous. Il a ses particularités. Alors, est-ce qu'on peut dire que la recherche du Yeti a boosté l'himalayisme, autrement dit l'alpinisme, ailleurs que dans les Alpes? Mais c'est clair que ça a été un argument qui a permis de monter des expéditions plus facilement. Mais c'est vrai de plein de sujets. Quand la NASA monte ses expéditions vers Mars, elle met en avant la recherche de vie sur Mars. Mmh. Et par ailleurs, c'est pas drôle sinon. D'ailleurs. Voilà. Oui, et puis surtout, les scientifiques eux-mêmes sont passionnés par le sujet. On n'a pas besoin de les pousser longtemps. Donc, on a exploré les océans en cherchant s'il restait pas des serpents de mer ou d'autres créatures inconnues. Donc ça, c'est normal qu'on cherche des choses nouvelles, parce que de toute façon, même si on les cherche pas, on les découvre. Le sélacanthe, l'okapi, il y a tout un tas de créatures comme ça qu'on ne cherchait pas et qu'on a fini par découvrir. Donc il y a des choses à apprendre. Le problème, c'est que si le Yeti existe, à mon avis, il a le corps rempli de toxines comme nous, et il a peut-être disparu à cause de nous sans qu'on l'ait découvert. Ça serait un peu dommage. Un Yeti carboneux, quoi. Ben, c'est malheureusement ce qui risque de lui être arrivé, oui. On a oublié quelque chose, il faut être reconnaissant envers le Yeti, c'est que c'est un personnage aussi pour enfants. Ça, c'est une vraie utilité, même le Gévaudan. Alors, ça fait un peu peur, mais pour la construction intellectuelle des enfants, c'est important qu'il y ait des créatures comme ça. Mais ça, c'est le rôle des folklores. On voit bien que dans toute une partie de notre histoire commune, avec des autres sociétés, dans des mondes où les images étaient très rares, parce que nous, on vit dans un monde où on oublie qu'on est saturé d'images, on voit tout instantanément. Okay, et oui. Dans d'autres cultures, ça passait par la culture orale. Et il fallait construire comme ça des figures qui permettaient de transmettre tout un tas de valeurs qui aujourd'hui passent par d'autres canaux. Et là, vous êtes dans une tradition orale. Tout ce qui se passe, alors... Oui, voilà, c'est tout à fait. Donc ça existe encore. Ça existe heureusement. Encore. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des expéditions qui partent à la recherche du Yeti, mais alors ouvertement, sans complexe? Aujourd'hui, là, ces derniers temps, on n'a pas entendu parler de beaucoup d'expéditions, mais c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Le problème, c'est que, comment dire, notre perception d'une partie de la planète a énormément évolué. Je veux dire, au début du 20e, jusque dans les années 50, quand Evel Mons publie son livre en 55, l'Afrique, c'est encore l'Afrique de Jules Verne, de Tarzan, de Conan Doyle, et c'est le Tibet, c'est une région mystérieuse. Aujourd'hui, quand on pense à toutes ces régions du monde, on pense aux guérillas, on pense à la déforestation, on pense à la pollution, et donc on a notre imaginaire s'est totalement métamorphosé sur ces sujets-là. Moi, je vois en quelques années, ça fait des années que je travaille sur ces sujets. J'ai écrit des textes il y a quelques années, je me rends compte que maintenant il faut les réécrire à l'aune de tout ce qu'on a appris de nouveau. Ce qui est bien d'ailleurs, ça s'appelle le retour d'expérience, c'est une démarche parfaitement scientifique. C'est très important, mais justement ça montre à quel point notre perception a malheureusement évolué sous l'effet de la découverte de tout ce qu'on a fait subir en fait à cette planète. Et c'est ça qui est un peu malheureux, je dirais, dans l'histoire, y compris pour le Yeti. Vous avez été tenté, vous, un jour, de partir avec une expédition pour... À l'époque de l'histoire de l'homme de Flores, alors bon, j'ai fait des expéditions, mais pour d'autres sujets, notamment sur les soucoupes volantes, mais à l'époque de l'homme de Flores, j'avais proposé au National Geographic, parce que j'avais été interviewé à propos de cette histoire, donc en 2004, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas vraiment insisté, parce que c'est vrai que mon sujet, c'est surtout les controverses qui se déroulent en Occident sur la manière dont on traduit ces cultures, et y a d'autres ethnologues qui font le travail sur le terrain. Donc ce qu'il faut, c'est croiser les données maintenant. Bien sûr. Carla Grange, merci infiniment. Merci peut-être beaucoup. Qu'on se retrouvera pour un sujet sur l'ufologie. Volontiers. Hein. D'accord. Ben, à bientôt peut-être. À bientôt. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Yeti, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il avait Alix Barrois.